Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, la suite d'un succès du box-office. En 2001, après avoir purgé sa peine pour fraude boursière, blanchiment d'argent et rackets, Gordon sort de prison. Mal coiffé, peu soigné, il n'a plus rien du redouté gourou de Wall Street d'autrefois. Personne n'est venu l'accueillir, ni sa fille Winnie qui a coupé les ponts, ni ses anciens collègues qui ont continué à amasser des fortunes durant ses 8 ans d'absence. Tout le monde lui a tourné le dos. Quelqu'un m'a rappelé que j'avais dit un jour « L'avidité, c'est bien ». Apparemment, c'est devenu légal. Et j'ai peut-être passé trop de temps en prison. Une montre et un téléphone portable. Mais parfois, c'est le seul endroit où on peut rester sain d'esprit. En regardant dehors à travers les barreaux, on se demande « Est-ce qu'ils sont tous devenus cinglés ?» Gordon Gekko était l'un des grands noms de Wall Street avant d'être emprisonné pour délit d'initié. Ce nom ne représente que rien pour moi. Si certains n'avaient pas pris des risques, où en serait le monde aujourd'hui? Arrête de baver, c'est plus de ton âge. Monsieur Gekko, je suis Jacob Moore, je vais épouser votre fille. Ma fille ne m'adresse plus la parole depuis des années, vous le savez. Mon père n'a jamais été quelqu'un de pacifique. Ça m'a toujours fait peur. Et si vous commenciez par m'appeler Gordon? Wall Street, l'argent ne dort jamais. Avec Michael Douglas, un DVD Fox Factor repart.